Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a répondu le 20 aux questions du correspondant de l'Agence des graphiques centrales de Corée à propos que le premier ministre britannique a mis en cause notre menace nucléaire. En voici le résumé. Avant la décision au Parlement du plan de construction d'un sous-marin nucléaire stratégique de nouveau type, le premier ministre britannique a fait remarquer que son pays est réellement sous la menace nucléaire des pays comme la Russie et la Corée du Nord, ce qui provoque de l'étonnement. C'est vraiment absurde que nos armes nucléaires menacent la Grande-Bretagne. Il est infantile de chercher chicane à notre pays éloigné des milliers de kilomètres pour prétester la construction de son sous-marin nucléaire. Il est vrai que les deux pays s'étaient battus l'un contre l'autre, puisque la Grande-Bretagne avait expédié ses militaires à la guerre de Corée dans les années 1950. Mais plus tard, nous avons établi même les rapports diplomatiques à partir du respect mutuel et de l'égalité. Et donc, nous ne prenons pas pour ennemis la Grande-Bretagne. Tout comme nous ne considérons pas les armes nucléaires britanniques comme une menace contre nous, la Grande-Bretagne aussi n'a pas besoin de qualifier nos armes nucléaires de menace contre elle. Tout comme la Grande-Bretagne nécessite les armes nucléaires pour protéger l'actuelle génération et la postérité, nous aussi, nous intensifions la dissuasion nucléaire pour nous défendre contre le danger de guerre nucléaire extrémiste et réelle causé par les États-Unis. Quoi que l'on nous dise, nous renforcerons toujours la dissuasion nucléaire autodéfensive pour préserver la souveraineté du pays et le droit à l'existence de la nation contre la menace nucléaire des États-Unis.